Les Contes des Mille et Une Nuits, Histoire de Codadad et de ses frères. Lue par Sabine pour audiocité.net sous la licence Art Libre. Ceux qui ont écrit l'histoire du royaume de Diyarbakir rapportent que dans la ville de Harran régnait autrefois un roi très magnifique et très puissant. Il n'aimait pas moins ses sujets qu'il en était aimé. Il avait mille vertus, et il ne lui manquait, pour être parfaitement heureux, que d'avoir un héritier. Quoiqu'il eût dans son sérail les plus belles femmes du monde, il ne pouvait avoir d'enfant. Il en demandait sans cesse au ciel. Et une nuit, pendant qu'il goûtait la douceur du sommeil, un homme de bonne mine, ou plutôt un prophète, lui apparut et lui dit « Tes prières sont exaucées, tu as enfin obtenu ce que tu désirais. Lève-toi aussitôt que tu seras réveillé, mets-toi en prière » et fais deux génuflexions. Après cela, va dans les jardins de ton palais, appelle ton jardinier, et lui ordonne de t'apporter une grenade. Mange-en tant de grains qu'il te plaira, et tes souhaits seront comblés. » Le roi, rappelant ce songe à son réveil, en rendit grâce au ciel. Il se leva, se mit en prière, fit deux génuflexions, puis il alla dans les jardins, où il prit 50 grains de grenade qu'il compta l'un après l'autre, et qu'il mangea. Il avait 50 femmes qui partageaient son lit. Elles devinrent toutes grosses. Mais il y en eut une nommée Pirouzée, dont la grossesse ne parut point. Il conçut de l'aversion pour cette dame. Il voulait la faire mourir. Sa stérilité, disait-il, est une marque certaine que le ciel ne trouve pas Pirouzée digne d'être mère d'un prince. Il faut que je purge le monde d'un objet odieux au Seigneur. Il formulait cette cruelle résolution, mais son vizir l'en détourna, en lui représentant que toutes les femmes n'étaient pas du même tempérament, et qu'il n'était pas impossible que Pirouzée fût grosse, quoique sa grossesse ne se déclarât point encore. « Eh bien, reprit le roi, qu'elle vive, mais qu'elle sorte de ma cour, car je ne puis la souffrir. » « Que votre majesté, répliqua le vizir, l'envoie chez le prince sa mère, votre cousin. » Le roi goûta cet avis. Il envoya Pirouzée à Samarie avec une lettre, par laquelle il manda à son cousin de la bien traiter, et si elle était grosse, de lui donner avis de son accouchement. Pirouzée ne fut pas arrivée dans ce pays-là qu'on s'aperçut qu'elle était enceinte, et enfin elle accoucha d'un prince plus beau que le jour. Le prince de Samarie écrivit aussitôt au roi de Harran pour lui faire part de l'heureuse naissance de ce fils et l'en féliciter. Le roi en eut beaucoup de joie et fit une réponse au prince sa mère dans ces termes. Mon cousin, toutes mes autres femmes ont mis aussi au monde chacune un prince, de sorte que nous avons ici un grand nombre d'enfants. Je vous prie d'élever celui de Pirouzée, de lui donner le nom de Codadad, et vous me l'enverrez quand je vous le manderai. » Le prince de Samarie n'épargna rien pour l'éducation de son neveu. Il lui fit apprendre à monter à cheval, à tirer de l'arc, et toutes les autres choses qui conviennent au fils des rois, si bien que Codadad, à 18 ans, pouvait passer pour un prodige. Ce jeune prince, se sentant un courage digne de sa naissance, dit un jour à sa mère « Madame, je commence à m'ennuyer à Samarie. Je sens que j'aime la gloire. Permettez-moi d'aller chercher les occasions d'en acquérir dans les périls de la guerre. Le roi de Harran, mon père, a des ennemis. Quelques princes ses voisins veulent troubler son repos. Que ne m'appelle-t-il à son secours? Pourquoi me laisse-t-il dans l'enfance si longtemps? Ne devrais-je point être dans sa cour ?» Pendant que tous mes frères ont le bonheur de combattre à ses côtés, faut-il que je passe ici ma vie dans l'oisiveté ?»« Mon fils, lui répondit Pirouzée, je n'ai pas moins d'impatience que vous de voir votre nom fameux. Je voudrais que vous vous fussiez déjà signalé contre les ennemis du roi votre père. Mais il faut attendre qu'il vous demande. » « Non, madame, répliqua Codadad, je n'ai que trop attendu. Je meurs d'envie de voir le roi, et je suis tenté de lui aller offrir mes services comme un jeune inconnu. Il les acceptera sans doute, et je ne me découvrirai qu'après avoir fait 1000 actions glorieuses. Je veux mériter son estime avant qu'il me reconnaisse. » Pirouzée approuva cette généreuse résolution, et de peur que le prince sa mère ne s'y opposât, Codadad, sans la lui communiquer, sortit un jour de Samarie, comme pour aller à la chasse. Il était monté sur un cheval blanc qui avait une bride et des fers d'or, une selle avec une housse de satin bleu, toute parsemée de perles. Il avait un sabre dont la poignée était un seul diamant, et le fourreau de bois de santal tout garni d'émeraudes et de rubis. Il partait sur ses épaules avec son carquois et son arc, et dans cet équipage qui relevait merveilleusement sa bonne mine, il arriva dans la ville de Harran. Il trouva bientôt moyen de se faire présenter au roi, qui, charmé de sa beauté, de sa taille avantageuse, ou peut-être entraîné par la force du sang, lui fit un accueil favorable et lui demanda son nom et sa qualité. « Sire, répondit Codadad, je suis fils d'un émir du Caire. Le désir de voyager m'a fait quitter ma patrie, et comme j'ai appris, en passant par vos états, que vous étiez en guerre avec quelques-uns de vos voisins, je suis venu dans votre cour pour offrir mon bras à votre majesté. » Le roi l'accabla de caresses et lui donna de l'emploi dans ses troupes. Ce jeune prince ne tarda guère à faire remarquer sa valeur. Il s'attira l'estime des officiers, excita l'admiration des soldats, et comme il n'avait pas moins d'esprit que de courage, il gagna si bien les bonnes grâces du roi qu'il devint bientôt son favori. Tous les jours, les ministres et les autres courtisans ne manquaient point d'aller voir Codadad. Il recherchait avec autant d'empressement son amitié qu'il négligeait celle des autres fils du roi. Ces jeunes princes ne purent s'en apercevoir sans chagrin, et s'en prenant à l'étranger, ils conçurent tous pour lui une extrême haine. Cependant, le roi, l'aimant de plus en plus tous les jours, ne se lassait point de lui donner des marques de son affection. Il le voulait avoir sans cesse auprès de lui. Il admirait ses discours, pleins d'esprit et de sagesse, et pour faire voir jusqu'à quel point il le croyait sage et prudent, il lui confia la conduite des autres princes, quoiqu'il fût de leur âge. De manière que voilà Codadad gouverneur de ses frères. Cela ne fit qu'irriter leur haine. « Comment donc, dirent-ils, le roi ne se contente pas d'aimer un étranger plus que nous? Il veut encore qu'il soit notre gouverneur et que nous ne fassions rien sans sa permission. C'est ce que nous ne devons pas souffrir. Il faut nous défaire de cet étranger. » « Nous n'avons, disait l'un, qu'à l'aller chercher tous ensemble et le faire tomber sous nos coups. »« Non, non, disait l'autre, gardons-nous bien de nous l'immoler nous-mêmes. Sa mort nous rendrait odieux au roi qui, pour nous en punir, nous déclarerait tous indignes de régner. Perdons l'étranger adroitement. Demandons-lui permission d'aller à la chasse. Et quand nous serons loin de ce palais, nous prendrons le chemin d'une autre ville où nous irons passer quelque temps. Notre absence étonnera le roi qui, ne nous voyant pas revenir, perdra patience et fera peut-être mourir l'étranger. Il le chassera du moins de sa cour pour nous avoir permis de sortir du palais. » Tous les princes applaudirent à cet artifice. Ils vont trouver Codadad et le prient de leur permettre d'aller prendre le divertissement de la chasse en lui promettant de revenir le jour même. Le fils de Pirouzé donna dans le piège. Il accorda la permission que ses frères lui demandaient. Ils partirent et ne revinrent point. Il y avait déjà 3 jours qu'ils étaient absents lorsque le roi dit à Codadad « Où sont les princes? Il y a longtemps que je ne les ai vus. » « Sire, répondit-il, après avoir fait une profonde révérence, ils sont à la chasse depuis 3 jours. Ils m'avaient pourtant promis qu'ils reviendraient plus tôt. » Le roi devint inquiet, et son inquiétude augmenta lorsqu'il vit que, le lendemain, les princes ne paraissaient point encore. Il ne put retenir sa colère. « Imprudent étranger, dit-il à Codadad, devais-tu laisser partir mes fils sans les accompagner? Est-ce ainsi que tu t'acquittes de l'emploi dont je t'ai chargé? « Va les chercher tout à l'heure et me les amène. Autrement, ta perte est assurée. » Ces paroles glacèrent d'effroi le malheureux fils de Pirouzé. Il se revêtit de ses armes, monta promptement à cheval. Il sort de la ville et, comme un berger qui a perdu son troupeau, il cherche partout ses frères dans la campagne. Il s'informe dans tous les villages si on ne les a point vus. Et n'en apprenant aucune nouvelle, il s'abandonne à la plus vive douleur. « Ah, mes frères, s'écria-t-il, qu'êtes-vous devenus? Seriez-vous au pouvoir de nos ennemis? Ne serais-je venu à la cour de Harran que pour causer au roi un déplaisir si sensible? » Il était inconsolable d'avoir permis aux princes d'aller à la chasse ou de ne les avoir point accompagnés. Après quelques jours employés à une recherche vaine, il arriva dans une plaine d'une étendue prodigieuse, au milieu de laquelle il y avait un palais bâti de marbre noir. Il s'en approche et voit à une fenêtre une dame parfaitement belle, mais parée de sa seule beauté, car elle avait les cheveux épars, les habits déchirés, et l'on remarquait sur son visage toutes les marques d'une profonde affliction. Sitôt qu'elle aperçut Codadad et qu'elle jugea qu'il pouvait l'entendre, elle lui adressa ces paroles. « Ô jeune homme, éloigne-toi de ce palais funeste, ou bien tu te verras bientôt en la puissance du monstre qui l'habite. Un nègre qui se repaît de sang humain fait ici sa demeure. Il arrête toutes les personnes que leur mauvaise fortune fait passer par cette plaine, et il les enferme dans de sombres cachots, d'où il ne les tire que pour les dévorer. » « Madame, lui répondit Codadad, apprenez-moi qui vous êtes et ne vous mettez point en peine du reste. » « Je suis une fille de qualité du Caire, répartit la dame. Je passais bien près de ce château pour aller à Bagdad. Je rencontrai le nègre qui tua tous mes domestiques et m'amena ici. Je voudrais n'avoir rien à craindre que la mort, mais pour comble d'infortune, ce monstre veut que j'aie de la complaisance pour lui. Et si dès demain je ne me rends pas sans effort à sa brutalité, je dois m'attendre à la dernière violence. Encore une fois, poursuivit-elle, sauve-toi, le nègre va bientôt revenir. Il est sorti pour poursuivre quelques voyageurs qu'il a remarqués de loin dans la plaine. Tu n'as pas de temps à perdre, et je ne sais pas même si par une prompte fuite tu pourras lui échapper. » Elle n'eut pas achevé ces mots que le nègre parut. C'était un homme d'une grandeur démesurée et d'une mine effroyable. Il montait un puissant cheval de Tartarie et portait un cimeterre si large et si pesant que lui seul pouvait s'en servir. Le prince, l'ayant aperçu, fut étonné de sa taille monstrueuse. Il s'adressa au ciel pour le prier de lui être favorable. Ensuite il tira son sabre et attendit de pied ferme le nègre, qui, méprisant un si faible ennemi, le somma de se rendre sans combattre. Mais Codadad fit connaître par sa contenance qu'il voulait défendre sa vie, car il approcha de lui et le frappa rudement au genou. Le nègre, se sentant blessé, poussa un cri si effroyable que toute la plaine en retentit. Il devient furieux, il écume de rage, il se lève sur ses étriers et veut frapper à son tour Codadad de son redoutable cimeterre. Le coup fut porté avec tant de roideur que cet effet du jeune prince, s'il n'eût pas eu l'adresse de l'éviter en faisant faire un mouvement à son cheval. Le cimeterre fit dans l'air un horrible sifflement. Alors, avant que le nègre eût le temps de porter un second coup, Codadad lui en déchargea un sur le bras droit, avec tant de force qu'il le coupa. Le terrible cimeterre tomba avec la main qui le soutenait, et le nègre, aussitôt cédant à la violence du coup, vida les étriers et fit retentir la terre du bruit de sa chute. En même temps, le prince descendit de son cheval, se jeta sur son ennemi et lui coupa la tête. En ce moment, la dame dont les yeux avaient été témoins de ce combat et qui faisait encore au ciel des vœux ardents pour ce jeune héros qu'elle admirait, fit un cri de joie et dit à Codadad « Prince, car la pénible victoire que vous venez de remporter me persuade, aussi bien que votre air noble, que vous ne devez pas être d'une condition commune. Achevez votre ouvrage. Le nègre a les clés de ce château, prenez-les et venez me tirer de prison. » Le prince fouilla dans les poches du misérable qui était étendu sur la poussière et y trouva plusieurs clés. Il ouvrit la première porte et entra dans une grande cour où il rencontra la dame qui venait au-devant de lui. Elle voulut se jeter à ses pieds pour mieux lui marquer sa reconnaissance, mais il l'en empêcha. Elle loua sa valeur et l'éleva au-dessus de tous les héros du monde. Il répondit à ses compliments, et comme elle lui parut encore plus aimable de près que de loin, je ne sais si elle sentait plus de joie de se voir délivrée de l'affreux péril où elle avait été, que lui d'avoir rendu cet important service à une si belle personne. Leur discours fut interrompu par des cris et des gémissements. « Qu'entends-je ? » s'écria Codadad. « D'où partent ces voix pitoyables qui frappent mes oreilles ?»« Seigneur, dit la dame, en lui montrant du doigt une porte basse qui était dans la cour, elles viennent de cet endroit. Il y a là je ne sais combien de malheureux que leur étoile a fait tomber entre les mains du nègre. Ils sont tous enchaînés, et chaque jour, ce monstre en tirait un pour le manger. « C'est un surcroît de joie pour moi, reprit le jeune prince, d'apprendre que ma victoire sauve la vie de ces infortunés. Venez, madame, venez partager avec moi le plaisir de les mettre en liberté. Vous pouvez juger par vous-même de la satisfaction que nous allons leur causer. » À ces mots, ils s'avancèrent vers la porte du cachot. À mesure qu'ils approchaient, ils entendaient plus distinctement les plaintes des prisonniers. Codadad en était pénétré. Impatient de terminer leur peine, il met promptement une de ses clés dans la serrure. D'abord, il ne mit pas celle qu'il fallait. Il en prend une autre, et au bruit qu'il fait, tous ces malheureux, persuadés que c'est le nègre qui vient, selon sa coutume, leur apporter à manger et en même temps se servir d'un de leurs compagnons, redoublèrent leurs cris et leurs gémissements. On entendait des voix lamentables qui semblaient sortir du centre de la terre. Cependant, le prince ouvrit la porte et trouva un escalier, assez roide, par où il descendit dans une vaste et profonde cave, qui recevait un faible jour par un soupirail, et où il y avait plus de 100 personnes attachées à des pieux, les mains liées. « Infortunés voyageurs, leur dit-il, misérables victimes qui n'attendaient que le moment d'une mort cruelle, rendez grâce au ciel qui vous délivre aujourd'hui par le secours de mon bras. J'ai tué l'horrible nègre dont vous deviez être la proie, et je viens briser vos fers. » Les prisonniers n'eurent pas aussitôt entendu ces paroles, qu'ils poussèrent tous ensemble un cri mêlé de surprise et de joie. Codadad et la dame commencèrent à les délier. Et à mesure qu'ils les déliaient, ceux qui se voyaient débarrassés de leurs chaînes aidaient à défaire celles des autres, de manière qu'en peu de temps, ils furent tous en liberté. Alors ils se mirent à genoux, et après avoir remercié Codadad de ce qu'il venait de faire pour eux, ils sortirent de la cave. Et quand ils furent dans la cour, de quel étonnement fut frappé le prince de voir parmi ses prisonniers ses frères qu'il cherchait et qu'il n'espérait plus rencontrer. « Ah, prince ! S'écria-t-il en les apercevant. « Ne me trompais-je point ? Est-ce vous, en effet, que je vois ? Puis-je me flatter que je pourrais vous rendre au roi votre père, qui est inconsolable de vous avoir perdu ? Mais n'en aura-t-il pas quelqu'un à pleurer ? Êtes-vous tous en vie ? Hélas ! La mort d'un seul d'entre vous suffit pour empoisonner la joie que je sens de vous avoir sauvé. » Les 49 princes se firent tous reconnaître à Codadad, qui les embrassa l'un après l'autre, et leur apprit l'inquiétude que leur absence causait au roi. Ils donnèrent à leur libérateur toutes les louanges qu'ils méritaient, aussi bien que les autres prisonniers, qui ne pouvaient trouver des termes assez forts à leur gré pour leur témoigner toute la reconnaissance dont ils se sentaient pénétrés. Codadad fit ensuite avec eux la visite du château, où il y avait des richesses immenses, des toiles fines, des brocarts d'or, des tapis de Perse, des satins de la Chine, et une infinité d'autres marchandises que le nègre avait prises aux caravanes qu'il avait pillées et dont la plus grande partie appartenait aux prisonniers que Codadad venait de délivrer. Chacun reconnut son bien et le réclama. Le prince leur fit prendre leur ballot et partagea même entre eux le reste des marchandises. Puis il leur dit « Comment ferez-vous pour porter vos étoffes ? Nous sommes ici dans un désert, il n'y a pas d'apparence que vous trouviez des chevaux. » « Seigneur, répondit un des prisonniers, le nègre nous a volé nos chameaux avec nos marchandises. Peut-être sont-ils encore dans les écuries de ce château ?»« Cela n'est pas impossible, répondit Codadad. Il faut nous en éclaircir. » En même temps, ils allèrent aux écuries, où non seulement ils aperçurent les chameaux des marchands, mais même les chevaux des fils du roi de Harran, ce qui les combla tous de joie. Il y avait dans les écuries quelques esclaves noirs, qui, voyant tous les prisonniers délivrés et jugeant par là que le nègre avait été tué, prirent l'épouvante et la fuite par des détours qui leur étaient connus. On ne songea point à les poursuivre. Tous les marchands, ravis d'avoir recouvré leurs chameaux et leurs marchandises avec leur liberté, se disposèrent à partir. Mais avant leur départ, ils firent de nombreux remerciements à leur libérateur. Quand ils furent partis, Codadad, s'adressant à la dame, lui dit « En quel lieu, madame, souhaitez-vous d'aller ? Où tendaient vos pas lorsque vous avez été surprise par le nègre ? Je prétends vous conduire jusqu'à l'endroit que vous avez choisi pour retraite, et je ne doute point que ces princes soient tous dans la même résolution. » Les fils du roi de Harran protestèrent à la dame qu'ils ne la quitteraient point, qu'ils ne l'eussent rendue à ses parents. « Prince, leur dit-elle, je suis d'un pays trop éloigné d'ici, et outre que ce serait abuser de votre générosité que de vous faire faire tant de chemin, je vous avouerai que je suis, pour jamais, éloigné de ma patrie. Je vous ai dit tantôt que j'étais une dame du Caire, mais après les bontés que vous me témoignez, et l'obligation que je vous en ai, Seigneur, ajouta-t-elle en regardant Codadad, j'aurai mauvaise grâce de vous déguiser la vérité. Je suis fille de roi. Un usurpateur s'est emparé du trône de mon père, après lui avoir ôté la vie, et pour conserver la mienne, j'étais obligé d'avoir recours à la fuite. » À cet aveu, Codadad et ses frères prièrent la princesse de leur conter son histoire, en l'assurant qu'ils prenaient toute part possible à ses malheurs et qu'ils étaient disposés à ne rien épargner pour la rendre plus heureuse. Après les avoir remerciés des nouvelles protestations de service qu'ils lui faisaient, elle ne put se dispenser de satisfaire leur curiosité, et elle commença de cette sorte le récit de ses aventures.